all my life. I'm in a staking bar, I got debts, I'm at the base of all my life. Saddened about to my love, and I'm just a heartbreaker. All I won't get a taking, cause I'm out when I'm staking. Toujours plus fun de commencer avec la musique qu'avec ma voix mielleuse. Bienvenue, premier VidangeCast. C'est quelque chose que j'essaye. Enregistré en direct de Saint-Hubert, sa rive sud, où je travaille exceptionnellement cette semaine, puis où j'ai rien à colisser, puis j'ai mon micro avec moi. Je me suis dit, essayer ça. Je compte en. Si le monde écoute ça un petit peu, je compte en faire un autre avant le draft, un autre épisode après le draft, puis un à chaque semaine pendant la saison. T'sais, de roaster le monde qui sont poches, faire des power rankings. Tout ça pour que tout vous vous embarquez plus, que ce soit plus fun, et plus de transactions, que ce soit plus compétitif, parce que plus la ligue est compétitive, t'sais, plus c'est le fun. T'sais, moi, le fantasy, oui, il y a du cash au bout, mais je fais ça pour le fun. T'sais, c'est le fun, tu peux gérer ton équipe, tu peux trash talker, t'affrontes les autres. T'sais, je fais plus ça pour ça que pour le cash. Là. Ok? Juste qu'on soit clair. Là. Donc, je pense que le VidangeCast pourrait contribuer à ça. Aujourd'hui, ce que je pensais parler, juste souhaiter la bienvenue au nouveau. C'est pas longtemps. Parler un petit peu de training camp. Moi, qu'est-ce que je vais suivre pendant ce temps-là. Parler un petit peu du draft. Qu'est-ce que je veux faire. Puis, c'est ça, là. Juste pour que kick things off, là. Fait que là, je vais y aller en regardant les divisions, là, les nouveaux, attends, sur le site. Ok, la première division, il y a moi, mon cousin Émilien, son équipe c'est Paris Hell Potato, whatever. Mon autre cousin, Simon Martineau, Flying Pelicans, Vincent avec les Junkies, puis M. Simon Actil avec Sophisticated Sex Robot. Tout un nom d'équipe, ok. Ouais, ben moi, je commence avec mon petit cousin, là, Émilien. Lui, il a co-géré l'équipe à mon oncle Dédé l'an passé. C'est pour ça qu'on lui donne Antonio Brown, parce que, tu sais, il avait quasiment son équipe. Fait que, mais là, c'est la première année avec son équipe à lui. Fait que, bienvenue, Émilien. Monsieur Simon Actil. J'ai rencontré une couple de fois. Il a bien l'enthousiasme, bien sympathique. J'ai entendu dire qu'il a hâte que ça commence, puis je pense qu'il va bien participer, puis je pense que c'est une bonne addition. Fait que, bienvenue à Simon. Puis juste avant de passer à l'audition, Simon Martineau, si t'écoutes ça, là, si tu pulls la même shit que l'an passé, là, je te calisse dehors. Parce que l'an passé, Simon Martineau, il mutait la conversation Facebook du Fantasy. Puis il touchait presque pas à son line-up. Fait que là, j'ai dit à la fin. J'ai dit, si tu pour continuer de même, genre, tu sais, je vais trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer l'an prochain. Il dit, non, c'est plutôt des beaux. Je pense que c'est juste parce qu'il faut garder Todd Gurley. Mais je te dis, Simon, là, cette année, si tu refais ça, t'es d'or, ok? Juste pour qu'on soit clair, là, t'es prévenu en esti, là. Première division que j'ai appelée Big Posse, parce que j'avais pas d'autres idées dans la tête, personne n'en a nommé d'autres, fait que, tu sais. Deuxième division que j'ai appelée la Ligue Malo, encore une fois, j'ai juste une suggestion, fait que je l'ai pris. Donc, les équipes, mon oncle, Dédé avec Team A Le Gros, les Sinners de M. Brunette, toujours une équipe qui gagne, qui a jamais gagné, mais, tu sais, on se souvient du nom. Les Pogos de M. Marlowe qui ont gagné deux derniers championnats sur Mars 2. À 6 équipes Marlowe là. Non, gagne à 10, on va s'en reparler. À 6, là. Non, t'as été Mars 2. Ça, prouve, faut que tu le prouves. Puis là, en plus, t'as Lev Bell, là. Si tu fais pas les playoffs, là, on aurait de toi en esti. En cette division-là, il y a deux nouveaux. Argent, il va être Nick, qui est M. Olivier Monette. Monette, je pense que c'est celui d'indice qui se connaît le moins en foot, mais je sais qu'il va trash talker, je sais qu'il va s'impliquer, je sais qu'il va se faire moi pas à gueule. Fait que tu sais, au moins, ça va faire un membre actif. Fait que bienvenue à toi, Money. Je sais pas si tu vas avoir du fun, parce que je pense pas que tu vas gagner, mais whatever. Puis après ça, il y a Romain. Romain que j'ai rencontré juste une couple de fois, mais qui a l'air de connaître son affaire, puis qui était bien sympathique. Puis, ouais, Romain, ton nom d'équipe, là, je sais pas, là. Pas grand mime que je peux faire avec ça. C'est un peu plate. Tu peux le laisser de même, là, mais tu pourrais le changer aussi. Just saying. Mais en tout cas, bienvenue à toi, là. Fait que, ouais, je fais des divisions. Je pense que ça va être plus fun, plus compétitif. Le training camp commence au football, là, c'est cette semaine. Là, c'est les équipes qui commencent à pratiquer. Puis là, tu vois, faut que tu surveilles ça. Qui va avoir plus de possessions, qui va avoir plus de touches, qui va être plus relevant. J'ai fait une petite liste comme de 5 offenses que j'allais surveiller plus pendant le camp d'entraînement. Parce que, tu sais, le Hall of Fame game, c'est jeudi prochain, le 2 août. Là. Puis ça, c'est le début officiel du pre-season. Fait que, tu sais, il va s'en passer des affaires. Ça commence bientôt, là. Première équipe que je vais surveiller, les Bears. Je sais pas ce que ça a donné, les Bears, mais le nouveau coach, l'ancien aussi des Chiefs, Matt Nagy. Fait que supposément qu'ils vont avoir une meilleure attaque parce que John Fox en passé, ça faisait pitié en esti, là. C'était triste. Là, t'as Trubisky qui va starter. Est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être pas bon? Tu sais, je sais pas. Ça va avoir un impact. Est-ce que Jordan Howard il va avoir un plus gros volume? Est-ce qu'il va avoir plus de passes? Est-ce qu'il va avoir bien des touchdowns? Tariq Cohen, est-ce qu'il va être relevant? Puis tu sais, ils ont signé plein de receveurs. Le Allen Robinson, qui devrait être le wide receiver one. Est-ce qu'il va être relevant? Trey Burton, le tight end, c'est probablement sûr qu'il va se faire drafter. Est-ce qu'il va être bon, tu sais? Taylor Gabriel, va-tu être relevant? Fait que moi, j'ai bien des questions sur les Bears. Ça dépend du coach puis de Trubisky, surtout, là. Fait que les Bears, c'est une situation que je vais pas mal suivre pendant les prochaines semaines, là, pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Une autre team que je vais suivre pas mal, les Vikings. Tu sais, nouveau QB, Vince, ton boy Kirk, qui s'est trouvé une nouvelle équipe, là. Fait que, tu sais, l'an passé, Thielen et Diggs, ils étaient relevant, ils étaient bons. Ça va-tu rester de même? Parce que là, tu vois des targets à Dalvin Cook, Diggs, Thielen, Kyle Rudolph. T'sais, est-ce que c'est une attaque qui va être capable de souvenir tous ces gars-là? Je sais pas, man. Il va falloir surveiller ça parce que, t'sais, je sais pas, Kirk, à Washington, là, il y a des wide receivers, il ne startait pas bien, hein. Fait que. Mais je vais checker ça, le Thielen il est fort en esti, on veut en playoff l'an passé, Diggs, ouais. Pas parler du jeu que Diggs a fait contre les Saints, ça, j'ai envie de me casser le mal dans la tête, mais ouais, les Vikings sont bons, mais leur attaque, c'est nouveau QB, j'attends de checker ça. Les Colts, hey, j'étais content, j'ai vu qu'Andrew qui allait pas avoir de limitations pour training camp, là. C'était la meilleure affaire. Il est tellement le fun d'avoir joué Andrew Luck que. Non, j'étais vraiment content. Tu sais, T. Wilton, il va-tu être bon? Les tight ends, je pense qu'ils ont signé Ebron. Il y a Jack Doyle. Eux autres, qu'est-ce que ça va donner? Puis je ne connais même pas les autres receivers des Colts, man. J'ai aucune idée. Les running backs, tu sais, de Marlon Mack. Puis il y en a d'autres, là. Naheem Hines, je pense qu'il s'appelle. Colts, genre, si Luck est là, ils m'ont une bonne attaque, mais je connais tellement pas beaucoup leur attaque qu'ils vont voir que je check ça de plus près, là, tu sais. Les Browns, je sais pas combien de temps Tyrod va jouer. D'après moi, la moitié de l'année à peu près. Après ça, Baker va embarquer. Tu sais, eux autres, ils ont plein de nouveaux gars aussi, là. Tu regardes les receivers, Landry, tu sais, devra avoir pas mal de targets. Josh Gordon, il est fort, mais est-ce qu'il va avoir assez de passe, tu sais, pour être bon. Njoku, est-ce qu'il va être un tight end relevant? Duke Johnson, le third down back, tu sais, va-tu avoir la peine? Puis qui va avoir le plus de carries entre Nick Chubb et Carlos Hyde? C'est des affaires que je sais pas encore, man, puis que faut que je surveille durant les prochaines semaines. Puis finalement, le plus gros point d'interrogation, je pense, dans la ligue, c'est les Chiefs. Parce que on sait qu'Andy Reid c'est un Chris de bon coach, mais Mahomes, T'sais, j'ai regardé du tape sur lui, mais ça, le gars il peut agonner pour 75 verges, ridicule. Mais est-ce qu'il va être capable de soutenir comme. Est-ce qu'il est bon là, t'sais? Je sais même pas s'il est bon là. Fait que Kelce devrait être un premium tight end, mais ça, il va-tu avoir des passes? Tyreek, il va-tu avoir autant de bombes qu'un an passé? T'sais, Kareem Hunt. Mais Kareem Hunt devrait être correct parce qu'honnêtement. Avec ce qu'il a eu fait dans le passé, je pense. Il peut pas être bon, là, mais. Les Chiefs, là, tu pourrais me dire, ils finissent 11-5, tu pourrais me dire, ils vont finir 5-11. Les deux affirmations, je te croirais, parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont donner cette année. Honnêtement, là, ça dépend tout de Mahomes, mais. De ce que j'ai vu de Mahomes à Texas Tech, il devrait être le fun à regarder jouer, parce qu'il court, puis il a un hostie de bras. Fait que les Chiefs, ouais, une situation que je surveillais aussi, là. Je sais vraiment pas. Concernant notre draft à nous autres, je vais finir avec ça, là. Écoute, pas parler trop longtemps, là, mais... Ouais, ça, notre draft à nous autres, mon but, c'est de le faire le plus tard possible dans le pre-season. Pour qu'on se fasse pas fourrer par les blessures, là. Fait qu'idéalement, faudrait le faire après la troisième semaine de pré-saison parce que la quatrième semaine, genre, il n'y a aucun starter qui joue. C'est une perte de temps, la quatrième semaine. Fait que, tu sais, week 3 du pre-season, ça finit le dimanche 26 août. Fait qu'idéalement, à partir du lundi 27 août, là, c'est cette semaine-là qu'il faudrait drafter. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre un sondage dans le groupe Facebook. Je vais demander vos dispos chaque jour de la semaine. J'aimerais ça le faire en... Tant qu'à être chacun derrière notre PC, là, j'aimerais ça le faire en personne. J'ai un draft board déjà commandé. Puis je pense que ce serait juste plus le fun. Surtout que le monde se connaisse pas. Là, ce serait juste plus agréable. Là. Fait que faire ça soit à Blainville, soit à Laval. C'est tout dépendamment de qui va venir. Là, parce qu'il y en a un qui habite à Montréal, il y en a deux qui habitent à Laval. Fait qu'à partir du 26 août, là. On va checker ça, on va faire un sondage, demander quel jour de la semaine vous êtes disponible. Faire ça le soir, comme à 7-8 heures. Puis c'est ça, t'sais, tant qu'à être chacun chez nous, aussi bien le faire en personne. Moi je pourrais faire des lifts, ça me dérange pas. Là. Ça me fait plaisir d'organiser ça. Fait que c'est ça, on va faire un autre épisode. Je vais faire un autre podcast dans une couple de semaines pour preview le draft. Puis après ça, ben. Il va avoir le draft. Puis ça va commencer, man. J'ai vraiment... La NFL en automne, c'est rendu ma religion. C'est tellement le fun à regarder, là, ça. Puis college football, là. J'aime vraiment ça. Fait que, OK. À la prochaine. Ciao.